Gauthier et compagnie. Salut Victor de Pompéry. Tu vas la droite de cette âme. Les bons sur les petits jaunes. Pardon de l'ennemi. Passage du bon quartier. Ta poubelle! Ta poubelle est dans ton armée!